Chapitre 9e. Ils eurent donc de l'eau. Tout le reste de la tribu se félicitait de l'intelligence de Chien Hurlant et vantait ses bienfaits. L'arme de pluie, quant à elle, se réjouissait de la chance qu'elle avait eue d'épouser ce pareil homme. Elle n'en avait espéré aucun autre que son Patrick. Il fallut ensuite se déplacer à une centaine de kilomètres du village. Il fallait des planches pour construire d'autres granges, et qui dit planches, dit arbres. Et mis à part le verger des pêchers et quelques arbustes plutôt rabougris qui poussaient dans la prairie çà et là, il n'y avait rien d'autre. Un matin de la fin juin 1870, ce fut une drôle d'équipée qui se mit en marche. On rassembla les hommes, les chevaux, ainsi que tous les outils pour couper les arbres et les débiter en planches sur place. Plusieurs chevaux renâclèrent. Le poids qu'ils portaient n'était pas pour leur plaire. D'autres charrettes seraient construites sur place et allégeraient d'autant la charge des animaux. Le peu d'économies qui resterait des récoltes cette année-là servirait à acheter des clous et des cordes supplémentaires. 3 mois plus tard, trois nouveaux bâtiments avaient vu le jour. Trois belles granges prêtes à recevoir la magnifique récolte escomptée pour l'abriter en attendant la vente. Tout le monde se mit à la tâche, du matin dès l'aube naissante jusqu'au couchant. Femmes, enfants et même vieillards faisaient la cuisine et s'occupaient des enfants en bas âge. Ils avaient semé à tout vent au printemps et la récolte fut fabuleuse. Jamais dans leurs rêves les plus fous, ils n'auraient imaginé pareille moisson. Peut-être était-ce dû en partie à l'irrigation. Les trois granges furent bientôt pleines à craquer. Il leur faudrait bientôt repartir à la forêt et redébiter sur place d'autres planches pour d'autres charrettes qui serviraient à transporter cette manne dans la plus proche grande ville et à la vendre. On était à la fin septembre et le soleil n'avait jamais encore brûlé si fort tout ce qui rampait et tout ce qui marchait. Patrick, en tête de la colonne, le chapeau vissé sur la tête, somnolait à moitié. Derrière lui, ses frères chevauchaient, un foulard sur le nez, pour éviter d'avaler la poussière que soulevait le convoi. Une semaine auparavant, Chien Hurlant était allé à Waco pour tenter de vendre la récolte. Il avait parcouru une bonne partie de la petite ville sans pour autant trouver un acheteur potentiel. On ne le connaissait pas et les gens restaient méfiants à son égard. Il avait emporté un sac de céréales et en montrait la qualité au drugstore quand un homme, au visage hâlé, à la barbe bien taillée, habillé comme un banquier, entra dans la boutique. L'épicier lâcha aussitôt Patrick devant son comptoir pour se précipiter au-devant de l'inconnu. Monsieur Springfield, il y a bien longtemps que nous avions eu le plaisir de votre visite. Que puis-je faire pour votre service? L'homme de haute taille s'avança, enleva son Stetson et demanda: Dites-moi, Johnson, à part la coopérative de Big Spring, personne ne vous a vendu de céréales ces temps-ci? Non, monsieur, la coopérative dessert presque toute la région désormais. De plus, ils ont engagé de bien étranges intendants. Un des leurs est venu la semaine dernière et a pratiquement menacé de mettre le feu à ma boutique si je m'avisais d'acheter d'autres récoltes que les leurs. Ce sont des voleurs, monsieur. Ils forcent les paysans à leur vendre tous leurs sacs de grains à des prix dérisoires. C'est une honte, si vous voulez mon avis, mais que peut-on faire? Ils sont bien armés et organisés. Je le sais, hélas. L'homme remit son chapeau, salua l'épicier, fit un petit signe de tête vers Patrick et s'éloigna. Qui est cet homme et que voulait-il? Monsieur Springfield est un homme respectable. Il a un grand ranch sur la sortie de Waco. Il lui faut beaucoup de céréales pour son élevage de chevaux et aussi du blé pour la nourriture et son personnel. Il y a un an, ces bandits de la coopérative ont lancé un raid contre son ranch. Monsieur Springfield avait refusé d'acheter chez eux. Trop cher, avait-il dit. Il irait en chercher ailleurs. Alors il a armé ses hommes pour tenir tête aux bandits. J'ai l'impression que cette année, il n'a pas encore trouvé. Les yeux de Johnson s'agrandirent soudain. Mais j'y pense, jeune homme. Vous ne vouliez pas me vendre du blé? Bien sûr. Croyez-vous que Monsieur Springfield serait intéressé? Ah, mon jeune ami, la seule façon de le savoir est encore de lui demander. Je vais vous indiquer le chemin du ranch. Ah, si vous êtes armé, je vous conseille de montrer patte blanche. Les hommes de Springfield, depuis qu'ils ont perdu un des leurs, tirent d'abord et posent les questions ensuite. Patrick se dirigeait vers l'entrée du ranch, le Longhorn, lorsque trois hommes armés jusqu'aux dents le firent s'arrêter. Où donc crois-tu pouvoir aller comme ça, mon gars? Fit le chef. Voir Monsieur Springfield. J'ai quelque chose à lui vendre. Ah oui. Et on peut savoir quoi? Des céréales, on m'a dit qu'il en cherchait. Dis-moi un peu, tu ne viendrais pas de la coopérative des fois? Deux autres hommes avaient armé leurs fusils et les pointaient directement sur Patrick. Je ne suis pas armé. Tout ce que j'ai, c'est un sac de ma récolte pour en montrer la qualité. J'ai vu Monsieur Springfield tout à l'heure chez Johnson. D'après lui, votre patron cherche des céréales. Les trois hommes se consultèrent du regard. L'un d'eux alla au chariot, dénoua le sac et prit une poignée de blé entre ses mains. Sur un signe de tête, il revint vers les autres. Très bien, on va t'accompagner, mais si tu joues au malin, tu ne sortiras pas vivant de ce ranch. Quelques kilomètres plus loin, le chariot s'arrêta devant la plus belle et la plus grande demeure que Patrick ait jamais vue. Plusieurs corps d'habitation la composaient. La façade blanche élancée mettait en relief les hautes fenêtres, flanquées de somptueux rideaux de mousseline qui voletaient légèrement dans la brise brûlante. Massive, tout en bois verni, la porte d'entrée s'ouvrit sur un domestique en grande tenue. L'un des hommes l'apostropha. Diego, va chercher Monsieur Springfield, nous avons de la visite. Patrick descendit de la charrette, secoua la poussière qui le recouvrait, et relevant la tête, vit le maître des lieux s'avancer vers lui. Ne nous sommes-nous pas déjà vus, jeune homme? Oui, monsieur, j'étais chez Johnson en ville lorsque vous êtes entré. En effet, je m'en souviens. Et que puis-je pour vous? Voilà, je viens du côté de Big Spring, où avec mes frères nous cultivons la terre. Johnson m'a dit que vous recherchiez des céréales et. Patrick tournait et retournait son chapeau nerveusement entre ses mains, mal à l'aise de devoir discuter devant des hommes armés. Et je viens vendre ma récolte. J'ai pensé que cela pourrait vous intéresser. Jeune homme, si votre récolte tient en tout et pour tout dans ce seul sac, je crains que cela ne me suffise. Les trois hommes éclatèrent de rire. Monsieur, reprit Patrick en élevant la voix, j'ai trois granges pleines à craquer. Ce sac n'est qu'un échantillon pour montrer la qualité du blé. J'ai aussi de l'avoine, de l'orge, du maïs. Je ne suis pas assez stupide pour me mettre en route avec toute la cargaison, risquer de me faire tuer ou dévaliser. Voyant Patrick hors de lui, les trois hommes armèrent leurs fusils. Springfield les calma aussitôt. Du calme, les gars. Monsieur Emerson, Patrick Emerson. Monsieur Emerson et moi-même allons discuter à l'intérieur, il y fait plus frais. L'homme fit un geste pour inviter Patrick à entrer. L'entrée était fraîche et sombre. Patrick distingua un grand escalier en bois rouge et festonné qui grimpait à l'étage avec élégance. De là où il se trouvait, renversant la tête, il suivit l'envolée des marches. Sur un immense palier s'ouvraient plusieurs portes. Cette maison était si imposante. Il se retourna soudain en entendant son hôte lui parler. Springfield, souriant, l'invitait à entrer dans une pièce spacieuse. Deux grands sofas recouverts de velours rouge, assortis aux tentures des fenêtres, faisaient le tour des deux murs. Mettez-vous à votre aise, Emerson, et pardonnez-moi de vous avoir soupçonné. Nous avons eu quelques sérieux problèmes avec les gens de la coopérative. Je suis au courant par Johnson. Elle m'en a touché un mot au magasin. C'est d'ailleurs la raison de ma présence chez vous. Le maître de maison s'assit dans un fauteuil et d'un geste poli fit signe à Patrick de l'imiter. Si seulement l'arme de pluie voyait cela, pensa le jeune homme. Cette table, ce buffet tout en bois, une pure merveille, sculptée avec art et cirée avec amour. Ce mobilier cossu et cette maison si grande et si bien agencée fit envie à Patrick. Il se jura qu'un jour il offrirait la même chose, si ce n'est plus beau encore, à sa jeune femme. Malgré les ennuis dont Springfield lui avait parlé, le ranch était prospère et cela se voyait. L'homme reprit la parole après avoir allumé un cigare et en ayant tendu un à Patrick qui le refusa poliment. Bien, si vous êtes au courant, discutons. Et dites-moi si vous pouvez satisfaire mes besoins en céréales. Si c'est le cas, je suis preneur. Pendant deux bonnes heures, la conversation battit son plein, au terme de laquelle Springfield reconduisit Patrick. Une virile poignée de main scella leur accord. Néanmoins, Springfield adjoignit au jeune homme une dizaine d'hommes armés pour convoyer tout le blé. Après que la moisson de l'année eut changé de propriétaire, Patrick rejoignit ses frères Navarro. Les hommes de Springfield ne voulurent pas que les Indiens outrepassent les limites de la propriété. De passage à Waco, sur le chemin du retour, Patrick s'arrêta chez Johnson. Il prit en quantité du tissu pour habiller les fenêtres de leur humble maisonnette, des clous et quelques provisions pour l'hiver à venir. Il passa ensuite à la maison de la prospection. Là, l'homme au bésicle, qui lui répondit avec un grand sourire, se mit en quatre pour le servir. « Oui, dit celui-ci, il reste d'innombrables parcelles à acquérir autour des siennes. Elles valaient 400 $ chacune, mais ces derniers temps, personne n'arrivait plus jusqu'à Big Spring. » Ainsi, Patrick put repartir avec 3 nouveaux actes de propriété pour 1 000 $, le gouvernement allant jusqu'à brader la terre. Il avait dépensé une vraie fortune, mais serait heureux de rajouter ses parcelles à la terre originelle des Navajos. Il retourna en arrière et repartit voir Johnson au drugstore. Une autre idée ayant germé dans son esprit, il en fit part à l'épicier. « Jeune homme, Big Spring est bien loin de Waco. Pensez-vous que de belles pêches bien juteuses supporteraient un tel voyage ?»« Vous avez raison, mais les supporterait-elles mieux en bocaux? Qu'en pensez-vous ?»« Cette idée est géniale, mon petit, et j'ai des bocaux à vous vendre. »« Comme c'est étonnant, dit Patrick en souriant, comme les choses s'emboîtent juste comme il le faut parfois. Eh bien d'accord, je vous prends tous vos bocaux et je reviens dans 2 mois avec les fruits. » Une autre poignée de main scella le deuxième accord fructueux de la journée. Il empocherait, après déduction des frais, quelques 120 $ supplémentaires. Oui, en y repensant, l'année avait été plus que bonne. Ainsi, les fruits des efforts de chacun d'eux seraient largement récompensés. Bison Ardent et ses frères laissèrent Patrick dans ses pensées. Ils étaient fourbus. La hâte de rentrer chez eux seule les faisait tenir sur leurs chevaux. Ils voulaient réintégrer leur prairie le plus vite possible et annoncer à tous les bonnes nouvelles. Les Navajos récupéreraient encore un peu plus de leur territoire grâce à l'ingéniosité de Patrick et grâce aux efforts de tout leur peuple. Un jour, pensa Bison Ardent, les Navajos pourront de nouveau tous se réunir et qui sait revivre sur leur terre. La tribu serait rassemblée et s'agrandira dans la paix. Patrick, lui, sera riche. Il était intelligent et savait d'instinct trouver des solutions à presque tous les problèmes. Il remercia encore une fois le grand esprit de leur avoir envoyé cet homme.